Comment se dit como? Como. C-O-M-O. Et on met un accent aigu sur le premier O quand on s'insère dans une question. Como, ça veut dire comment. Et pour dire comment allez-vous, en espagnol, on dira littéralement comment êtes-vous? C'est-à-dire ¿Cómo está? C'est ça. ¿Cómo está? Comment allez-vous? Et avant de demander à quelqu'un comment il va, vous pouvez le saluer par un buenos días. Bonjour. Buenos, c'est bon au pluriel. Et días, c'est jour au pluriel. Buenos días. Donc, en espagnol, on ne souhaite pas seulement une bonne journée, mais des bonnes journées. Donc, buenos días, en deux mots, veut dire bonjour. Alors, encore une fois, bonjour, comment allez-vous? Buenos días. Buenos, buenos. Oui. Día est masculin, comme jour en français. Alors, encore une fois, bonjour. Buenos días. Encore une fois. Buenos días. Buenos días, oui. Comment allez-vous? Littéralement. Comment êtes-vous? ¿Cómo está? C'est ça. Buenos días. Bonjour. ¿Cómo está? Comment allez-vous? Et si vous voulez demander à un homme, est-ce que vous êtes occupé maintenant? ¿Está ocupado? ¿Está o... ¿Está ocupado? D'accord, mais il n'y a pas de son U en espagnol. Hein? U se prononce toujours O. Donc, c'est oc... Ocupado. Ocupado. Et maintenant? Ahora. C'est ça. Está ocupado ahora. Et si vous posez cette question à une femme, êtes-vous occupé? Está ocupada... Non. Está ocupada ahora. D'accord. Está ocupada ahora. Si vous voulez demander est-ce que vous êtes fatigué, posez la question à un homme. Está casado? Non. Vous venez de lui demander s'il est marié. Ah, oui. Moi, je vous disais de lui demander s'il est fatigué. Está cansado? Bien. Está cansado? Est-ce que vous êtes fatigué? Cansado. Et si vous posez la question à une femme, ça sera Está cansada. Está cansada. Donc, être, c'est estar. Estar. E-S-T-A-R. Estar.